cet été. On ne vous offre pas deux, mais 10 heures de Jadoul par semaine. Jadoul, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Bienvenue à tous, vous êtes ici sur Ilar FM, la radio qui est là, même en vacances. Nous sommes le 4 juillet, il est 20h pile, et on est très content de vous accueillir ici dans cette émission qu'on a préparée avec des gants, avec tout ce que vous voulez. Il y aura beaucoup de choses ce soir, notamment un invité prestigieux, messieurs, dames, je parle bien de Pierre Richard, qui va nous faire l'honneur de nous accorder 6 minutes d'interview dans le courant de cette émission. Je vous propose d'être là, ce sera dans quelques instants. En tout cas, nous, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être encore la grosse rigolade avec Corentin Stock. Et en tout cas, on va faire les appels comme d'habitude pour souhaiter bonne fête à tous les Fernands qui nous écoutent. Donc, Fernand, j'ai rien compris, c'était la semaine passée ça. Non, à tous les Florents qui nous écoutent. Donc voilà, si vous êtes Florent ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui s'appelle Florent, je vous invite à nous le dire, comme ça on l'appelle et vous pouvez toujours communiquer avec nous, évidemment, comme d'habitude, sur le plus 32. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Alors, il s'est passé également quelque chose de complètement improbable. Il faudra que je vous le raconte dans la suite de cette émission, car ça, c'est fou. À mon avis, vous allez être choqués, et comme moi, là, je suis encore un petit peu scié et j'ai du mal à m'en remettre, car ça aurait pu nous arriver ici à la radio, mais on a eu un petit peu de chance, ça s'est joué à rien. Et voilà, merci le hasard. En tout cas, on a eu très très chaud. Je vous raconte tout ça dans quelques instants. La suite de nos séquences également. On aura, et après l'invité, les jeux des 5 mots, les news de la semaine, avec notamment, on va vous parler de la radio DAB+, cette fameuse nouvelle technologie qui va arriver, comment s'y préparer et en quoi ça consiste. Surtout, je vais vous en parler d'ici quelques secondes. Ça vous va? Bah, tant mieux, parce que moi ça me va. Allez, vous êtes sur Ilar FM, la radio qui est là à 20h02 pour vous accompagner dans cette émission. C'est le Libre Antenne. Vous avez quelque chose à dire, vous nous appelez et directement on vous bascule. Si c'est pas magique, c'est le principe de l'émission. En même temps, vous êtes dans l'émission qui est là de 20h à 22h, c'est Jadoul, nous sommes en direct. Bonnes vacances sur Ilar FM. Mes amis, c'est la fin de la saison. Samedi, en direct, de 20h à 22h, on va célébrer la dernière de cette saison. Je compte sur vous pour être là. Ça va être du très très lourd. Voilà, je pense qu'on peut pas faire mieux comme teaser, là. J'ai tout donné. Allez, moi, ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'on fait la cassette de Jadoul, la fameuse. On va écouter celle d'hier, tiens, pour savoir si vous avez réussi à la deviner, grâce à la déformation que vous allez écouter juste après le jingle. Allez-vous deviner le son de la semaine? Il paraît. C'est la cassette de Jadoul. Et c'est parti, on s'écoute la cassette d'hier. Et top! C'est qui a arrêté la cassette? Ben, on se le demande. Je vais le mettre à chaque fois, ce son. Allez, si vous avez la réponse, envoyez-nous un petit message, plus 32 49 9 15 75, et on sera ravis de vous faire gagner un des cadeaux de la caverne aux cadeaux de Jadoul. On a appelé ça une fois pour une émission, pour une spéciale qu'on avait fait, c'était la grande fouille, et au final c'est resté. Donc voilà, la caverne, le fameux placard à cadeaux, hein, finalement, qui s'est retrouvé renommé comme ça, est à votre disposition. Il suffit de jouer avec nous. L'interview dans quelques instants. On va appeler également tous les Florents pour leur souhaiter une bonne fête, comme hier. J'espère qu'une dame ne va pas m'appeler madame, parce que je pourrais le prendre mal. Mais non, je rigole, c'était très drôle. En tout cas, vous pouvez écouter tous ces moments là sur iTunes, dans le podcast, ou sur le site internet ilarfm.com, et également sur la radio digitale Jadoul, qui est là pour vous, disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Bref, c'est tout ce qu'il nous faut. Allez, Enola Gay tout de suite sur Ilar FM. C'est Orchestral Manoeuvre in the Dark. J'adore, je suis fan. Si vous êtes sur la route, en tout cas, on vous accompagne, et peut-être en vacances, envoyez-nous un petit snap sur le snap Ilar FM ou sur mon Snapchat Thomas Jadoul. Comme ça, je vois un petit peu comment vous écoutez la radio. Belle soirée à vous, nous sommes en direct. Du lundi au jeudi, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui découvrent l'émission pour la première fois, je m'appelle Jadoul, nous sommes en direct tous les soirs du lundi au jeudi plus le samedi dans cette émission là, c'est la dernière semaine, dans 3 émissions c'est la quille, enfin je compte même pas celle-ci, alors dans 2 émissions, ça va être juste dingue. On attend un petit peu que Corentin arrive car figurez-vous il est en retard, il m'a dit j'aurai un léger retard mais je ne savais pas à quel point il allait être en retard, donc là je commence un peu à m'inquiéter parce qu'en fait il est en France, il est même pas près du studio, mais bon. On va essayer de l'appeler pour savoir si s'il est encore vivant, déjà. Allez. Vous êtes sur la messagerie. Ah ok, d'accord, ok, c'est messagerie, bonjour, merci. Ça c'est fait. Bien, c'est qu'il a pas trop envie de répondre. Je vais voir un petit peu dans quelques instants où il en est, c'est pas bien grave, c'est du direct. Parce que je lui ai envoyé un petit message il y a 30 minutes, il répond pas, donc c'est pour ça que je me demande, voilà. Mais ça devrait aller... incessamment sous peu, ça se trouve, il est dans la voiture, c'est pour ça qu'il ne peut pas répondre, ce qui ne m'étonnerait pas car il est sûrement sur la route pour le studio. C'est pas grave, on va l'attendre. En attendant, je vais vous raconter quelque chose de complètement dingue. Ça s'est passé il y a exactement... Cette histoire de dingue s'est passée il y a exactement une heure. Je vais vous raconter minute par minute ce qui s'est passé, c'est complètement dingue. On était au bureau de prod avec l'équipe pour préparer cette émission. Qui se trouve à 2 km des studios qu'il y a ici. Ce qui est inquiétant, c'est que d'un coup, fin du beau temps, orage. Là, d'un coup, c'est, on s'y attendait pas. Et à un moment, on entend bah! Et en fait, c'était la foudre qui est tombée à 20 mètres du studio. Et alors, quelqu'un vient me dire « Oui, mais moi, je l'ai entendu il y a 10 minutes comme ça aussi fort. » Et je dis « Oui, mais t'es où ?»« Ah, ben je suis au studio. » Ah ? Et en fait, mes amis, je vous jure que c'est vrai. Et là, c'est pas trop drôle parce que c'est assez inquiétant, limite. La maison qui se trouve à 20 mètres du studio, ce qui est complètement dingue, a complètement pris feu au niveau du toit. La foudre est tombée dessus. Ça aurait pu nous tomber dessus ici, sachant qu'on est au deuxième étage, donc ce qui est le dernier étage des studios ici. Et donc, c'était à 20 mètres près, c'était pour nous. Il n'y avait pas d'émission ce soir, quoi. Donc là, voilà, les pompiers viennent de partir. Je vois par la fenêtre quand même la maison blanche est devenue noire. Donc voilà, c'est super inquiétant. J'aime beaucoup les orages, mais c'est vrai que quand ça tape aussi près, on se pose des questions et j'avoue que c'est assez impressionnant. Et heureusement que le studio radio ici n'était pas alimenté au moment où ça s'est produit, car il y a eu une surtension dans tout le quartier, ce qui a fait que beaucoup d'appareils ont sauté, mais l'antenne a su résister, comme quoi les systèmes de secours sont bien faits. Et voilà, c'est assez impressionnant. Les pompiers viennent de partir et on arrive à la radio, ils avaient barré la route et tout, ça a été un petit peu la galère. J'espère que Corentin saura venir, ils ont peut-être libéré la route, je ne sais pas, je ne vois pas ça d'ici par la fenêtre du studio. Mais c'était assez impressionnant, donc voilà, c'était la petite anecdote de vie de ce qu'il s'est passé ici dans ce studio, dans ce quartier qui est quand même à chaque fois fort animé, je dois le dire. À chaque fois qu'il y a un truc, ça nous tombe dessus, hein, ça, y a aucun souci. Bon, la cassette que je vous ai fait écouter il y a quelques instants, qui était celle-ci pour rappel. Eh ben, on va vous la faire gagner tout de suite, car on va composer, on va chercher surtout dans les bonnes réponses s'il y a un gagnant tiré au sort. S'il y a évidemment toutefois une bonne réponse, ce que je souhaite évidemment. Machine, ordinateur, pouvez-vous me tirer un numéro au hasard dans le standard téléphonique ? Je rentre la réponse et normalement, il devrait me sortir quelques résultats. C'est parti ! Ça cherche. 5, 4, 3, 2, 1. Il y a une bonne réponse. J'ai l'impression d'être Laurent Roquet. Vous savez, dans les grosses têtes, là, quand il joue à deviner l'actu et que à chaque fois il s'excite comme un malade parce qu'il y a une bonne réponse, alors c'est une bonne réponse. Je sais pas qui. Ça fait toujours rire. Bref, voilà. C'était peut-être pas intéressant ce que je viens de dire. Excusez-moi. Très bonne réponse de Marie-Claire qui nous vient du coin de... C'est exactement ça. Voilà, excusez-moi, je me suis égaré. Donc il y a une bonne réponse, la personne n'a pas laissé son nom, mais on va essayer de téléphoner au numéro qui nous a envoyé le SMS. Mais je vous le rappelle, quand vous jouez avec nous, merci de laisser votre nom avec, comme ça on peut dire voilà, c'est Jean-Jacques qui a gagné, et pas dire c'est le plus 33, 40, voilà, il faut pas le dire. Bon, on va l'appeler d'ici quelques instants, et la réponse qui a été trouvée, évidemment, c'est Love Generation de Bob Sinclair, ce titre qui avait fait un succès monstre il y a quelques années. On se l'écoute maintenant sur LRFM. Merci d'avoir joué à la cassette de Jadoul. Une nouvelle cassette demain en direct. Ce soir, on n'en a pas parce que ça coûte cher, les cassettes. Et on voit ça après. Vous êtes dans Jadoul, belle soirée. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de nous rejoindre. Si vous vous écoutez pour la première fois, LRFM, c'est Jadoul de 20h à 22h. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes en direct. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Alors dans quelques instants, on appellera tous les Florents pour leur souhaiter une bonne fête. Mais d'abord, on va faire le gros dos que vous attendez depuis un petit temps, depuis le temps qu'on vous l'a annoncé. C'est notre invité spécial de ce 4 juillet. Il est 20h21 et je pense qu'il est temps, sans plus attendre, de recevoir Pierre Richard d'ici quelques secondes. Mais d'abord, je vous rappelle le numéro de téléphone de la radio, plus 32 49 9 15 75. Et on lit tous vos messages ici en direct à l'antenne. Et vous pouvez nous appeler, comme ça vous interagissez avec nous dans l'émission. Bien, je vais commencer tout de suite l'interview. On y va, j'ai pas de jingle, c'est pas grave. On fait cette émission, c'est bricolage FM, je vous le dis. Allez, en tout cas, déjà, bonsoir Pierre Richard. Bonsoir. Bonsoir parce que ça commence à... Oui, il commence à faire noir. En tout cas, je vous souhaite bienvenue sur Ilar FM. Ilar, c'est bien le nom. Et bien sûr, on va être Ilar. C'est pas possible. Bon, alors Pierre, comment est-ce que ça a commencé cette aventure de vouloir être dans toute l'histoire des vignerons, créer votre vin, le vendre, le commercialiser? Comment a commencé cette aventure? C'était une longue histoire, je vais tâcher d'être un peu bref. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai visité cette propriété comme ça. Elle était jolie parce qu'elle était entourée d'eau. J'ai même pas vu les vignes tout de suite. Et puis de toute façon, j'étais pas là pour l'acheter. Mais seulement il y a un régisseur qui m'a parlé du vin. J'ai trouvé ça tellement passionnant ce qu'il me disait, que moi qui ne m'attendais pas à être un jour viticulteur, je suis rentré à Paris et j'ai dit à ma sœur, je vais acheter cette propriété et je vais me lancer dans le vin. Elle m'a dit, mais on n'y connaît rien. Ben, je dis, on va s'y mettre. Et on s'y est mis. Elle au commerce et moi plus près de la culture. Donc elle, c'est une femme d'argent et moi, l'homme du vin. Pas la femme du vin. ça commence mal. Et ça fait 30 ans que je fais ça, c'est beaucoup de soucis et beaucoup de joie. Beaucoup de plaisir. Le vin, au fond, c'est comme le cinéma, c'est destiné à quoi? À être bu, comme le film, et à être vu, et donner du plaisir aux gens. Et on a d'autant plus de plaisir qu'on le boit à plusieurs, comme on voit un film à plusieurs, d'ailleurs. Et depuis 33 ans, je fais ça. Et alors, j'en vends évidemment, bien sûr, en France, mais j'ai un importateur, monsieur Terrazzino. Il est italien, comme vous l'entendez. On s'entend bien parce que moi aussi, j'ai un grand-père italien. Et il m'importe mon vin en Belgique. Et pour, c'est la société Vasco. Mais comme je le suis dans tout ce qu'il me propose quand je vais en Belgique, il me propose très souvent de venir ici chez la maison Manigard. Voilà. Et monsieur Manigard, les frères, étaient au début des relations commerciales, évidemment, puisque je venais pour le remercier de me prendre du vin, je signais des bouteilles. Puis depuis des années, je viens maintenant et on peut dire maintenant que c'est une relation commerciale, certes, mais une relation amicale aussi. Je viens chaque fois que je vais en Belgique, je crois qu'il m'emmène ici. Je vais un peu partout, mais ça finit toujours par Manigard. Le jour où ils me diront on n'y va pas chez Manigard, je crois que ça va me manquer. J'ai pas l'impression que ce soit demain la veille. Parce que chaque fois j'y trouve du plaisir et beaucoup de plaisir parce que beaucoup de monde qui vient, qui me demande d'assigner des bouteilles, qui sont joyeux et souriants. Et ce qui pourrait être une corvée fatigante devient un plaisir. Fatigant certes, mais un plaisir. Mais c'est le plus important. Et est-ce donc une occasion de rester proche du public en créant un produit autre qu'un DVD que vous pouvez dédicacer ? Oui, parce que les gens, je reste près du public, parce que les gens qui viennent, c'est parce qu'ils ont vu mes films. Donc ils sont ravis de faire la connaissance d'un acteur qui est sinon abstrait, puisqu'on est quand même que sur une image. Et là, ils me voient physiquement, je leur souris parce qu'ils me sourient, parce que des fois, quand on a le temps, même on plaisante un peu, ou ils me parlent de pourquoi ils m'aiment bien. C'est effectivement, je garde comme ça un contact avec le public. Ce que les autres acteurs qui ne font pas de vin ne connaissent pas. Ça m'a donné une bonne tendinite au poignet gauche à force de tourner des bouteilles depuis des années. Et en même temps, ça m'a donné un plaisir rare d'être auprès des gens. Oui, ça se comprend. Mais je me pose une question. C'est finalement un rêve caché qui s'est réalisé, viticulteur ? Mais pas du tout. C'est ça qui est amusant. C'est pas comme si j'étais, oui, ça fait 30 ans que je désirais faire ça. Pas du tout, je m'y attendais pas. J'ai vu cette propriété, comme je le disais, en visiteur et j'ai fini par l'acheter. C'est-à-dire que 2 heures avant de me dire je l'achète, ben, je savais pas que je serais viticulteur. Je le suis devenu. Mais ça, c'est un peu ma spécialité, de faire des choses à laquelle je m'attends pas. Quand je pense trop à faire des choses, je les fais plus. Mais là, j'étais le premier surpris. Ma mère, ma sœur, la deuxième surprise. Mais non, c'était pas du tout. On en parlait avec Depardieu, mais lui, il était d'une région de vin, moi pas. Et quand on parlait du vin, mais on parlait pas que je ferais un jour deviendrais vigneron. Et pourquoi cette tendresse pour la Belgique ? Les Belges sont très spontanés, généreux, souriants. Ce midi, j'étais dans un restaurant qui était plein, les gens, et ils sont ravis de me voir et tout. Je fais ça en Belgique, et puis je le fais en Suisse, en Belgique et dans le nord de la France. Voilà. Et après, je fais surtout du cinéma, quand même. Mais bon, voilà, c'est une coutume que j'ai prise, une coutume à laquelle je me force pas à la faire, parce que sinon je la ferais pas, pour laquelle j'ai du plaisir de le faire. Et bien, viticulteur me plaît bien aussi. J'adore aller chez moi dans le sud, j'y vais 2 mois par an, parce que sinon je suis à Paris quand même. Mais c'est un vrai plaisir de... Je m'en occupe de mon vin aussi, je vois pas ça de loin quand même. Je participe à l'élaboration avec mon œnologue. Quand il faut replanter, c'est moi qui décide qu'est-ce que je replante, pour avoir un peu plus de Syrah ou parce que j'ai plus de Grenache et tout ça. Donc je veux dire, c'est pour moi quand même un travail. Alors j'ai pas la prétention de prendre le tracteur le matin à 5h. et on peut dire aujourd'hui que vous vivez de vos deux passions. Exact. Et oui, et que c'est l'épanouissement de votre carrière. L'épanouissement, ça a toujours l'air d'être comme si c'était un peu une fin. Je suis en train de m'épanouir. À mon âge, c'est formidable. Je ne veux pas avoir ça comme une fin. Je continue de m'épanouir, voilà. Continue de m'épanouir en faisant des films, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que je vais faire bientôt. Et je continue de m'épanouir en sachant dans 15 jours qu'enfin, je suis dans le sud, dans le midi, avec les gens qui font mon vin, qui travaillent pour moi depuis des 30 ans et donc qui sont des amis. D'accord. Et où peut-on vous retrouver ? On peut à Grusson, par exemple, le juillet, il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de Belges même qui viennent, qui font 1000 km, puisque plus même, et qui savent que je suis là et je les retrouve des fois l'été, le temps de boire un verre ou surtout le temps de signer des bouteilles, ils m'en achètent. Mais c'est bien, c'est une belle proximité. Il paraît que cette propriété est justement assez somptueuse. Ah ben j'y prends soin, enfin c'est pas moi, encore une fois, mais j'ai un régisseur qui est compétent, courageux et qui a la passion de ça. Je suis fier d'avoir des vignes qui sont très bien entretenues. Ça, c'est vrai. Ben, merci beaucoup. En tout cas, merci Pierre-Richard pour ce moment. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était à l'instant le grand acteur du cinéma français, Pierre-Richard, pour Ilar FM dans cette émission. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous nous rejoignez, cette interview est disponible évidemment en podcast sur ilarfm.com et sur iTunes et tout ce que vous voulez. On ne vous offre pas deux, mais 10 heures de Jadoul par semaine. Jadoul, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. en forme, je l'espère, car nous, en tout cas, ça va nickel ici dans le studio. Corentin va arriver d'ici quelques instants, on n'arrive pas à le joindre, à mon avis, il est dans les bouchons, et c'est pour ça qu'il ne peut pas venir. En tout cas, il a juste 34 minutes de retard, c'est pas grave. On va faire semblant de rien. Les news de la semaine d'ici quelques instants, et quoique, je vais en faire une maintenant, comme ça c'est fait, on le fait direct. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé au Royaume-Uni, un mouvement assez intéressant que je tiens à vous communiquer. C'est parti, on y va, jingle, c'est le news de la semaine. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et dans ces news de la semaine, on va vous parler d'étudiants qui se sont cotisés pour via une plateforme de financement participatif pour permettre à un agent d'entretien de leur école de s'offrir des vacances ou plutôt un voyage visite à sa famille en Jamaïque. Donc c'est un total de 1 700 € qui ont été récoltés dans l'université de Bristol. Et avec tout ça, l'homme de ménage qui s'appelle Herman Gordon a finalement pu rejoindre sa famille en Jamaïque pour quelques temps, une histoire de s'aérer un petit peu, prendre des vacances. Et ça a été relié par la BBC. C'est grâce à ça qu'on peut vous en parler ce soir. Et donc voilà, ça s'est passé à la fin du mois de mai, cette idée. Et en seulement 5 jours, l'objectif a été atteint de 1 500 livres sterling, soit 1 700 €. Et donc la personne qui a remporté, qui a décidé d'ouvrir cette cagnotte a dit, je cite, j'étais très surpris de voir qu'il était en réalité tant apprécié et que tout le monde a réussi à mettre un peu pour pouvoir lui permettre de rejoindre sa famille en Jamaïque. Voilà, donc c'est un petit peu quelque chose de dingue. Si vous avez déjà vu des élans de générosité comme ça, dites-le nous, plus 32 49 9 15 75 ou également sur les réseaux sociaux. This is the Breakaway Live Trial Version. The best sounding low latency audio processor in the world, period. Incoming transmission. We hope you're enjoying the demo. For more information, visit claysonedwards.com. claysonedwards.com. La cassette dans quelques instants. Voilà, donc on a tout dit, je pense, sur ce bel élan. Honnêtement, c'est de la générosité pure et simple. Moi, je suis bluffé qu'on puisse encore faire des choses comme ça de nos jours, et je trouve ça très très bien. Dans quelques instants, je vais vous parler de la DAB+, la radio numérique, qui va arriver bientôt à la place de la FM. En attendant, vous pouvez toujours nous écouter via le 106.9, et on vous embrasse si vous êtes dans les bouchons, vous nous écoutez dans la voiture, ou tout simplement en train de conduire. Et n'oubliez pas de nous envoyer un petit snap, comme ça on voit dans vos stories et dans les réseaux sociaux comment est-ce que vous écoutez l'émission et dans quelle situation. C'est toujours amusant de notre part de voir ça. Allez, ce que je vous propose de faire, c'est le jeu des 5 mots dans quelques instants, mais d'abord on va appeler tout de suite au standard des comment déjà, j'ai perdu ma feuille moi, je sais plus, quelqu'un sait la fête du jour? C'est la fête Oui, la fête de qui? Des États-Unis. Mais non, pas des États-Unis. Oui, c'est la fête nationale aux États-Unis. Merci. Je ne sais. La fête du jour, mais j'ai perdu mon papier. Attendez. Je vais le retrouver. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en direct. J'ai vraiment perdu ma feuille avec toute la conduite de l'émission. Ah oui, non, c'est normal. Elle est là-bas par terre. Je la ramasse. Nous sommes en direct. C'est pas grave. Voilà. Comme ça, vous avez l'occasion d'entendre tout ce qui se passe ici dans le studio. Allez, la fête du jour, c'est voilà les Florents qu'on fête aujourd'hui. On y sera arrivé. Et donc, on va tout de suite appeler un Florent du côté de Charleroi afin de lui souhaiter une belle fête, car c'est toujours sympa de distribuer un peu d'amour dans cette émission et à penser aux gens à qui on ne pense pas forcément. Par exemple, hier, c'était la Saint-Thomas. Personne dans mon entourage me l'a souhaité. Je tiens à le dire. Là, dans l'équipe, ils sont en train de se regarder. Oups. Ceux qui n'étaient pas là hier. Donc voilà. C'est pour ça qu'on fait cette séquence, parce que parfois il y a des gens qui pensent pas du tout à se dire bonne fête ni rien. Allez, on appelle tout de suite un Florent, c'est parti, au standard. Ça sonne ? Voilà, merci bien. Fut un temps, on faisait des canulars, je me faisais passer pour Johnny Tuning, c'était hilarant, je vous le dis. C'était un mec qui bidouillait des voitures et il demandait au quartier si ça dérangeait pas. C'était trop drôle. On en fera peut-être un samedi pour la dernière. Allez, le Florent de Charleroi n'a pas l'air de répondre. On va... Qu'est-ce que c'est ? Oui ? D'accord, c'est le refrain de la musique de tout à l'heure qui s'est lancé, c'est pas bien grave. On va appeler maintenant du côté de Namur, voir si ça répond un peu plus de ce côté-là. Je l'espère en tout cas, car il n'y a rien à gagner. Et si ce n'est que 10 secondes d'antenne, ce qui est déjà pas mal dans une vie. Allez, on appelle, c'est parti, du côté de Namur. Un Florent toujours, évidemment. J'espère que ça va décrocher. Bonsoir, c'est la valise RTL. Ils ont du mal ce soir à décrocher, hein. On a un peu chat noir aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. À mon avis, dès que c'est la fête de façon de quelqu'un, directement plus personne ne répond. Tous les gens qui portent le prénom de la fête du jour, ils se disent bon bah c'est terminé, on débranche le téléphone, on fait plus rien. Allez, voilà, on appelle dans un petit village, je sais même pas prononcer le village. C'est juste dingue. Allez, 67, je dis le numéro à l'antenne, non quand même pas. Allez, c'est parti, le dernier numéro avant de s'écouter dans un instant un titre. J'espère que ça va décrocher cette fois-ci. Ça sonne, c'est déjà bon signe. Toujours en Belgique. Hein. Allô. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Je ne vous dérange pas ? Ben, ça dépend pourquoi. Ben, nous sommes en direct à la radio, madame. Oh oui, ben alors ça ne m'intéresse pas, monsieur, je ne tiens pas. Au bon, on voulait juste monsieur. Vous souhaiter une bonne fête, madame. Merci. Voilà, au revoir. Voilà, c'était la manière la plus délicate de raccrocher. Oh là là, ça les intéresse pas qu'on soit gentil avec eux, hein. C'est quand même dommage. Mais elle a quand même dit merci, je m'attendais à un... On vous souhaite une bonne fête, bla. En fait non, ça va. On s'en est sorti de justesse, mais on s'en est sorti, c'est essentiel. Allez, on va avoir des nouvelles de Corentin d'ici quelques instants, je l'espère. Parce que ça, c'est toujours pas gagné. C'est toujours la chose la plus compliquée, avoir des nouvelles des gens de l'équipe. Alors que ça devrait être la chose la plus simple. Mais normalement il devrait être là puisqu'il a confirmé, il a signé qu'il serait là. Donc bon, il a 40 minutes de retard, ça va. Ou pas, mais on va faire avec, de toute façon on n'a pas le choix. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais même pas ce qu'on va s'écouter maintenant. Est-ce que quelqu'un sait? Non, pas du tout. Non, merci beaucoup, je suis seul dans ma galère. Ça ira, vous inquiétez pas. Allez, ça s'appelle... Ah non, j'ai même pas le titre. Ah si, c'est Jane, All Right. Tu connais Jane? Oui, voilà, on connaît beaucoup dans le studio. Alors qu'on me fait signe de la tête que non. Allez, c'est parti, on s'écoute ça tout de suite. C'est Alright, le nouveau titre qui vient de sortir. Ah, j'adore Jane à l'instant sur Hilar FM. C'est frais, je trouve, c'est très frais comme titre. C'est assez bien, en tout cas. Mais, ne me dites pas non dans le fond du studio en train de me faire des pouces vers le bas depuis le standard là maintenant. C'est pas gentil. Il y a un match aujourd'hui là ce soir en Coupe du Monde. Je sais même pas c'est quel match, tiens, on pourrait se renseigner parce qu'on est même... On est en direct, hein, donc il est 20h46 et personne ne sait ici dans ce studio quel est le match de ce soir, donc je vais regarder. En tout cas, voilà, c'est peut-être votre match Tinder, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, au niveau du foot, qu'est-ce qu'on a ce soir? La Belgique, elle joue quand de toute façon? Vendredi, je pense, contre le Brésil. À 20h, voilà, c'est ça. Je te remercie. Donc là, ce soir, c'est Colombie-Angleterre. Et je pense que c'est déjà fini, ça, ou c'est fait, ça? C'est fait, je pense. Je sais pas, voilà, le programme est tellement mal fait, en fait, sur le site, que... Ah oui, d'accord, ok, j'ai tous les matchs, là. D'ailleurs, je rappelle, hein, c'est la fête nationale aux États-Unis. On serait capable d'appeler aux États-Unis si c'était pas Hilar FM qui payait les communications. ce serait pas bête. Non, mais là, j'ai pas les matchs. Si quelqu'un s'est trouvé ça avant la fin de l'émission, avant 22h, ce serait gentil, merci. Là, hop, là, ça se bouge un peu en disant « Oh mince, il faut faire quelque chose. » Je lis dans les pensées, c'est dingue. Allez, la cassette de Jadoul, je vous la rappelle, on l'a deviné, c'était Love Generation de Bob Sinclair. Demain, on rejouera avec une toute nouvelle cassette, histoire de vous faire gagner encore quelques cadeaux. Tout de suite, on va s'écouter Pimple Goes avec Aerosol Ken. C'était sa fête, d'ailleurs, hier également, c'était la fête des Anatoles. Enfin, c'est le monsieur qui s'appelle Pimple Goes, c'est son nom d'artiste, voilà. Comme ça, vous savez tout. Mais d'abord, je tiens à vous souhaiter une très très belle soirée à notre écoute. Le plus important, c'est que vous nous écoutez, ça évidemment, je ne vous le cache pas, et que vous êtes en très grande forme, contrairement à Corentin qui, je pense, a des petits problèmes pour arriver. Mais c'est pas bien grave, on est là quand même et on est content pour lui, car s'il n'était pas là, eh ben, ce serait une émission comme celle-ci. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Nous sommes en direct. Il est exactement 20h48 et je suis très très bien installé. Bien installé, c'est un grand mot, parce qu'avec un petit coussin sur la chaise, ce serait un petit peu mieux quand même. À l'instant, Pimple Goes sur Ilar FM, et tout de suite, c'est l'heure de faire le petit point info, c'est la minute info. C'est la minute info. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, j'ai fait une grosse boulette il y a quelques minutes. J'ai dit qu'il y avait un match Colombie-Angleterre. Rien du tout, c'était hier. Ça, ils ont fait 1-1. Monsieur Viandé, c'est pas grave. Mais en tout cas, vendredi, il y aura deux matchs ultra importants pour deux équipes en plus que je soutiens. La France va jouer contre l'Uruguay à 16h. Et la Belgique va jouer contre le Brésil. À mon avis, c'est un gros match. Ils devront préparer des camions d'ambulance pour préparer les éventuelles bagarres qu'il pourrait y avoir. Mais en tout cas, c'est juste dingue que la Belgique en arrive là, et j'espère en tout cas pour que la France va également aller le plus loin possible dans cette aventure là. Dites-nous un petit peu quelle équipe vous supportez, limite téléphonez-nous, comme ça directement on vous passe à l'antenne pour pouvoir savoir un petit peu quelles sont vos préférences et pour quelle équipe vous tenez, c'est le plus important. Voilà, ici dans l'équipe, il y a quelqu'un pour une équipe, rien, personne? Bien sûr, la Belgique. La Belgique, oui, la Belgique, mais à part ça c'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout, d'accord. Moi j'étais aussi pour la Tunisie, mais elle s'est fait vite illuminer. Bon, alors voilà. Et donc, ah oui, faut que je vous parle. C'est une femme sur internet assez âgée. Elle est ultra célèbre, c'est la plus célèbre des mamies. Elle s'appelle Danielle de Zelle. Et en fait, c'est une femme qui ne connaît pas du tout les équipes. Elle ne connaît pas du tout. Mais par contre, elle dit toujours le score exact 2 heures avant le match. Alors tout le monde parie comme Danielle. Et du coup, bah, au final, les gens s'en mettent plein les poches. Donc je devrais peut-être l'écouter et faire des paris sportifs. Parce qu'à chaque fois, elle mise juste. Et donc c'est complètement dingue. Elle a vraiment un flair et je serais curieux de voir si elle va encore dire juste pour les deux matchs là de vendredi qui vont être très serrés à mon avis. Elle a du flair, généralement elle se trompe jamais. Donc allez la suivre, c'est sur Snapchat que ça se passe et sur Instagram ainsi que sur sa page Facebook, et je pense même qu'elle a ouvert une chaîne YouTube. Et voilà, mes amis, il est presque 21h, on arrive à la moitié de l'émission. Le plus important, c'est qu'on est en grande forme à peu près et que Corentin va arriver d'ici quelques minutes. Je propose, comme d'habitude quand quelqu'un est en retard, de le virer, non je plaisante, de l'appeler tout de suite sur son téléphone afin d'avoir des petites nouvelles de lui. C'est parti, on appelle. Je pense que c'est un peu inquiétant. Ça se trouve, il a éteint son téléphone, il l'a jeté dans un buisson en mode « Bon, là, je sais que j'aurai beaucoup de retard. » Il en est capable, c'est ça le pire. Allez. Ça sent mauvais pour nous. D'accord, ça même pas, il n'y a pas de messagerie, il a fait « Tiens, tais-toi ». Ok, bah il nous a raccroché, ça se trouve il est peut-être en voiture. On l'en excuse si c'est le cas, et si ce n'est pas le cas, on va aller brûler sa maison. Voilà, comme ça c'est dit, vous êtes toujours sur Ilar FM, la radio qui est là, même durant les vacances, car oui, oui, on est là. Et ça ne change pas, on a encore beaucoup de choses à voir dans la suite de cette émission, et je vais faire le jeu des 5 mots avec un auditeur par téléphone d'ici quelques minutes. Laissez-moi juste le temps de respirer un coup et ça devrait aller. C'était pas prévu qu'il soit pas là, on avait des séquences prévues avec lui, mais bon voilà, il est déjà 21h, je m'en tire plutôt bien jusqu'ici, c'est la première fois que je fais ça seul. Ne Ne me remerciez pas, c'est normal que j'assure quand même le service aujourd'hui. Allez, on s'écoute tout de suite dans les hits qui viennent de sortir. Ça s'appelle Beach, voilà, il faut le dire. Et on s'écoute à tout de suite sur Iler FM, nous sommes en direct. Je vous souhaite la bienvenue sur Iler FM et une très très belle soirée à vous. Vous êtes dans votre rendez-vous qui est là de 20h à 22h du lundi au jeudi. Si ça c'est pas complet. Hein. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h sur Iler FM. Alors je vais vous parler d'un truc qui vient de sortir sur RTL Info, c'est les métiers qui sont en pénurie et finalement il y a quand même 88 métiers dont 55 qui sont en pénurie par rapport à l'année 2017 où il n'y en avait que 24. Le premier qui a été considéré comme en pénurie est pharmacien, médecin, opticien, analyste, infirmier en soins spécialisés et comptable, c'est étonnant. Boucher ou encore chef de chantier, sans oublier chauffeur de bus et de poids lourd, ainsi qu'installateur, c'est nouveau ça, avec installateur électricien, couvreur et un analyste informatique qui manque aussi à l'appel. Voilà, c'est tous ces métiers là qui manquent. Donc si vous avez envie de faire un choix professionnel et que vous voulez de l'avenir, bah peut-être choisissez là-dedans, je sais pas, c'est une idée comme ça qui vient là. Donc si vous êtes en Belgique, c'est peut-être des voies qui peuvent s'ouvrir à vous. En tout cas, voilà, on vous le dit, je sais pas si ça vous botte, mais en tout cas c'est des métiers comme ça qu'on vous a donné, c'est pour nous, c'est cadeau. On va vous parler aussi dans les news de la semaine de quelque chose de complètement dingue, c'est un championnat. On va en parler maintenant directement comme ça c'est fait. C'est parti, c'est les news de la semaine. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et dans les news de la semaine, je vais vous parler de la Vendée où il y aura bientôt un championnat du monde d'équitation. Mais attention, et là c'est la nuance, attention, il n'y a pas de cheval. Donc c'est-à-dire que c'est un championnat d'équitation mais sans les chevaux. C'est une idée complètement dingue en fait. Les candidats seront munis d'un accessoire qui est tout simplement un bâton avec une tête de cheval en peluche. Et le 29 septembre prochain, tagada tagada, des centaines de personnes vont participer à cette concours complètement dingue. Au final, il faut juste courir et ça s'appelle au final du hobby horsing. Donc merci pour l'accent anglais. Donc c'est tout simplement équipé de bâtons nourris avec des fausses carottes et des faux entraînements. Ils vont faire un faux parcours. En gros, ils vont rester assis, je pense. Hein. Mais en fait, c'est un truc complètement dingue. Est-ce que vous avez été tenté déjà de faire ce genre de truc, faire une course mondiale d'équitation mais sans cheval? Je trouve ça juste dingue. Et c'est limite intelligent, c'est limite brillant, j'ai envie de dire. Bravo à la personne qui a eu l'idée de faire ça. C'est juste dingue. Bravo en tout cas à cette personne-là. On va faire peut-être un petit objet du peuple. Tiens, ça faisait longtemps. Je me suis dit que déterrer l'objet du peuple pour cette émission, c'était pas une mauvaise idée. C'est parti, on y vient. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit ? C'est l'objet du peuple. Jadoul. Jadoul. L'objet du jour, vous ne le connaissez pas, moi oui, et ça va être les auditeurs contre les auditeurs, étant donné que le premier qui a envoyé la bonne réponse au standard ce soir remportera un des cadeaux qu'il choisira librement dans la vitrine. Alors du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner le premier indice. Vous avez compris la séquence, je vous donne des indices, à vous de trouver l'objet qui en découle. Je sers en milieu rural. C'est le premier indice que je vous donne. Est-ce que vous allez trouver ? C'est la question que je me pose. Plus 32 49 9 15 75 60 et 15, hein, pas 75. Et comme ça, vous allez peut-être remporter un des cadeaux de la vitrine. Ça ne coûte rien de jouer, c'est un SMS normal. Et encore mieux, si vous êtes sur un appareil Apple, c'est gratuit pour vous, tant mieux. Voilà, ça c'est dit. J'espère que vous allez trouver l'objet du peuple, le nouvel indice à 21h30. Ça vous va, ça? Oui, ça vous va, je pense. De toute façon, vous n'avez pas le choix, donc voilà. On va jouer au jeu des 5 mots dans quelques instants avec un auditeur par téléphone afin de pouvoir lui faire gagner un cadeau. Ce serait pas mal, ça, quand même. En tout cas, s'il en veut, hein, parce que s'il en veut pas, on va le refiler à moi-même. Bon, allez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants. On va s'écouter un peu de musique, on va revenir juste après ça. Je pense que ça va. Ça, la musique, ça fonctionne. Il y a eu peut-être un orage et ça s'est peut-être abattu sur une maison à côté, mais la musique, on en a, et pour longtemps. Vous êtes dans Jadoul, il est 21h06. Merci d'être là avec nous en direct. Oshi, femme à la mer. Je pense que vous êtes dans Jadoul. Du lundi au jeudi, vous avez la parole en direct avec Jadoul. C'est bien vrai. Je peux pas le contredire, hein. Il dit que la vérité. De toute façon, s'il ment, c'est pas une bonne voix off. Mais comme c'est quelqu'un de très bien, il vous dit la vérité. Et la vérité, en tout cas, c'est qu'on va appeler tout de suite une personne pour jouer au jeu des 5 mots qui n'est pas du tout au courant. Ça va lui tomber dessus comme ça. Là. Et j'espère qu'elle sera contente ou content de jouer avec nous. Je l'espère. On appelle du côté de Liège, en Belgique. J'espère que ça va nous réserver encore de belles surprises, étant donné qu'à chaque fois les Liégeois nous font de très grandes surprises à l'antenne, comme toujours. Allez, c'est parti, on compose le numéro au standard, s'il vous plaît. C'est parti. Allez, j'espère que la personne va jouer avec nous. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Allez, il serait peut-être temps que ça décroche. Allez. J'ai eu le temps de mettre un jingle, hein, c'est amplement suffisant. Ah, les gens ont du mal à se jeter sur le téléphone. Je pense qu'ils ont pas envie de se blesser. Ça se comprend. Allez, on va en appeler un autre. Y a pas de souci, on en a plein, des numéros standards. Ça roule. Vous avez déjà le suivant, c'est parfait, nickel. Basculez-le à l'antenne, je vous en prie. Merci bien. C'est parti, on compose le suivant. Oula, la sonnerie, elle est mieux réveillée. Je pense que ça va mieux réveiller la personne qui est au bout du fil. Je le sens bien, je le sens bien. C'est le flair. Allez, on a encore l'objet du peuple dans quelques instants. Il faut toujours se fier à mon flair, étant donné que la personne ne répond pas alors que je le sentais bien. C'est pas grave, on va faire semblant de rien. Oh là là, on est chat noir au niveau des numéros aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. C'est une galère. Allez, c'est pas bien grave, on en a un suivant, c'est parti. Hop, on me donne la ligne en ligne 1, c'est parti. Le suivant numéro, merci beaucoup. Ça sonne ? On peut me mettre la sonnerie. Voilà, merci. J'aime bien dans le bed la femme qui fait ah. C'est pour ça que ça s'appelle, à mon avis, Bad Brazil Rage. À Liège, ils sont. Il y a un décalage horaire entre ici et Liège? Non? Ok. J'en ai l'impression, hein, parce que là. Ah, ce soir, c'est pas la joie, hein, niveau numéro. On nous évite, j'ai l'impression, à la limite. C'est pas bien grave, on en a d'autres. Et c'est le dernier qu'on va faire avant d'enchaîner, puisque ça serait quand même dommage qu'on ait personne là maintenant à l'antenne, puisque on a tout misé sur cette séquence. Je ris. Allez, c'est parti, dernier numéro de cette séquence. Tout se joue là-dessus. Hein. Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Oui, je vais bien, et vous ? Ça va, je ne vous dérange pas ? C'est pourquoi ? C'est pour la radio, nous sommes en direct, madame. Oui, en direct de qui ? en direct depuis Arlon, dans la province de Luxembourg. Oui, ben ça, non, je ne joue pas. Vous n'aimez pas ? Non. D'accord, ben ok, bon, chacun voilà. Ses goûts. Voilà, au revoir. Au revoir, oui. Madame, et bonne fête. Oui. Voilà, c'était une Florent sympathique. Comme quoi, la dernière, elle n'est pas forcément la plus gentille. Allez, ce serait quand même dommage de se laisser là-dessus. Il reste un dernier numéro au standard parce que se quitter là-dessus, c'est quand même un peu limite. Hein. Je n'aime pas, province du Luxembourg, je n'aime pas, c'est mauvais, mauvais. Merci madame, c'est trop gentil. Oh là là, j'adore. Et en plus, on voulait juste lui souhaiter bonne fête et la faire jouer au jeu des 5 mots. C'est quand même dingue ça. On n'y arrivera jamais, c'est pas bien grave. Petite note aux équipes, il faudrait peut-être tester les numéros avant de les basculer à l'antenne. Non ? Non, on me fait non. Non. On s'en fout, d'accord. Hmm ? Ah oui, bah oui, il faut dire le nom de l'émission. Oui. Enfin, t'appelles, tu fais juste... Ah oui, bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Bonjour, c'était Bastien, assistant pour RTL. C'était pour la valise RTL, voilà. Dommage que vous n'avez pas décroché, vous auriez pu gagner le gros lot. Merci, au revoir. Voilà, comme ça, le message qui fait bien culpabiliser. Allez, j'adore faire ça. C'est une honte, mais j'adore faire ça. Je suis vraiment une pourriture. Bon, allez, c'est pas bien grave. Dernier de la soirée. Et après, bon, bah, le jeu des 5 mots, je le ferai avec les voisins d'Hilar FM, c'est pas bien grave. C'est la magie du direct. Pour vous prouver que nous sommes en direct, 21h16, nous sommes le 4 juillet. La sonnerie, elle a toujours des petits à-coups comme ça, en mode... Allô ? Allô, bonjour, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Je ne vous dérange pas ? Si, si monsieur. Ah, bah je suis désolé alors si c'est le cas. Et bonne fête, vous êtes Florent, non ? Oui. Bah bonne fête, c'est la fête des Florents, nous sommes en direct à la radio. Ah bon ? Ah bon, oui. Et on allait vous proposer de jouer avec nous au jeu des 5 mots, ça prend 30 secondes. Au jeu de ? Au jeu des 5 mots. On vous dit des indices, c'est à vous de trouver les mots. Et vous êtes qui vous, monsieur ? Et moi je suis animateur sur la radio Hilar FM depuis Arlon, dans la province de Luxembourg. Oh non monsieur, ça ne m'intéresse pas, non, non monsieur. Ça ne vous intéresse pas ? Non, monsieur, non, merci, au revoir, monsieur. C'est pas bien grave, au revoir. Voilà. Donc, tout le monde est très motivé ce soir, j'ai l'impression. Hein. Quand il n'y a pas le foot, les gens, ils sont un petit peu plus ronchons, mais c'est pas bien grave. On les aime comme ça, quand même, les gens. Allez, l'objet du peuple, on vous donne encore un indice maintenant ? Oui, allez, on est tellement gentils, on va vous donner encore un indice. On a un jingle pour l'objet du peuple ? Oui, non ? L'objet du peuple. Peuple. Le premier indice était... On m'utilise en milieu rural. Le deuxième indice est... Je suis assez volumineux. Allez-vous trouver avec les indices qu'on vous a donnés là maintenant ? C'est la question que je me pose. Plus 32 49 9 15 75. Vous envoyez la réponse avec. Voilà, et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. J'espère que vous allez les trouver facilement. Allez, on m'utilise en milieu rural. Je suis. C'était quoi le deuxième indice que j'ai donné ? Je suis volumineux, voilà, j'avais complètement zappé. Je sais pas pourquoi j'avais la notion 2 mètres en tête, mais je sais pas pourquoi. Allez, voilà, c'est les deux indices. J'espère qu'avec ça, vous allez trouver. Je pense qu'il y a de quoi, de toute façon, étant donné que c'est des indices assez larges. Donc, vous allez resserrer petit à petit votre champ de recherche. Et au pire, demandez à vos amis et, je sais pas, dites-le nous par message sur les réseaux sociaux, peu importe. De toute façon, on est accessible partout, partout là où il y a de l'internet. Donc, c'est pas compliqué, c'est limite magique. J'espère que votre soirée se passe bien. En tout cas, il est 21h19. De notre côté, il fait bon, il fait chaud, même trop chaud limite. Je suis en train de transpirer, c'est une horreur. Nous sommes en direct. Morning, Magnifique titre à l'instant, c'est Cats on Tree sur Hilar FM. Cats on Tree qui est déjà dans la programmation habituelle d'Hilar FM, mais là c'est leur tout nouveau titre et je pense qu'ils ne vont pas tarder à rentrer dans la programmation habituelle de cette radio, enfin en tout cas du moins je l'espère pour eux. Par téléphone, nous avons normalement, si tout va bien, notre membre de l'équipe qui était là encore mardi passé, je pense. Il s'agit de Terence Bernard qui est actuellement tranquillement chez lui et voilà, on va juste avoir un petit peu de ses nouvelles car ça fait un petit peu, ça fait quelques temps qu'on l'a pas eu ici à l'antenne. Est-ce qu'on peut me dire à partir du... Voilà, je pense qu'il est là. Non, il est pas disponible. Non, ok, d'accord, très bien. C'est pas grave, ok, allez, c'est pas grave. On va peut-être l'avoir d'ici quelques instants. Bon, on attend, au pire. Vous savez, c'est pas la première émission où on est en train d'attendre des personnes de cette émission. On va réessayer quand même de rappeler notre ami Corentin qui est peut-être encore en route. Je ne sais pas où il en est du tout, donc j'espère pour lui que tout va bien, surtout, c'est le plus important, et qu'il est sur la route. Et qu'il n'y est pas coincé, surtout, et qu'il n'a pas eu d'accident ni rien du tout, parce que ça commence à m'inquiéter. Étant donné qu'il devait être là, il était en France, et vu comment ça sonne, il ne doit plus être en France. Vous êtes sur la messagerie vocale. Ok, d'accord, donc c'est net maintenant, voilà, ok, d'accord, je comprends. C'est limite inquiétant, j'appellerai peut-être sur son fixe à la limite, comme ça on aura peut-être la certitude qu'il va bien. En tout cas, en principe, il lui est rien arrivé de mal, c'est un secouriste, mais c'est vrai que s'il lui arrive quelque chose, il peut pas se secourister lui-même. Je sais pas si ce que j'ai dit est très français. En tout cas, on est chaud ce soir, ça se sent. Il fait une chaleur, il fait 30 degrés, je l'ai vu sur le thermomètre, c'est dingue. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Et la semaine aussi, hein. Réagissez en direct sur Facebook, Twitter et Instagram, sur la page de l'émission ou avec le hashtag Jadoul. C'est très très bien dit tout ça, et si j'allume mon micro, c'est encore mieux pour une émission de radio. Allez, on va retenter de jouer au jeu des 5 mots tout de suite. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Allez. On retente du côté toujours de Liège. Il y en a peut-être parmi eux qui sont réveillés, ça on ne sait pas. Allô, bonsoir madame. Oui. C'est Hilar FM, la radio en direct qui vous appelle. Quoi? Nous sommes en direct à la radio madame au moment où je vous parle. Qu'est-ce que c'est pour un bazar? Ben, c'est la radio et on vous appelle. Vous êtes Ah oui, c'est la radio, on m'appelle, c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague, madame. Vous voulez que je vous le prouve comment? Je ne sais pas, moi. Si vous êtes du côté de la province de Luxembourg, vous pouvez nous écouter sur le 106.9. 106.9? Oui, dans la province de Luxembourg. Est-ce que c'est ça, la radio? Oui. Ben, et c'est pourquoi? C'est pourquoi, c'est parce que vous vous appelez Florent et c'est votre fête aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est la fête de mon mari, ouais. Ah ben voilà, bonne fête à lui. Et on vous propose en fait tout simplement de nous accorder 30 secondes pour jouer au jeu des 5 mots avec nous en direct. Ouais, ça ne m'intéresse pas, monsieur. Bon, vous êtes sûr? Oui, oui. Bon, ce serait dommage, on vous offre ça pour votre fête. Merci d'être d'accord avec moi en raccrochant. On est tellement chat noir aujourd'hui, je vous le dis, on n'a jamais eu autant de chance au niveau des appels, c'est juste dingue quand même, je suis fan. Les amis, je vous rappelle que samedi, c'est la dernière de Jadoul en direct. Je vous invite de 20h à 22h, ça va être une émission exceptionnelle. Je compte sur vous pour être là. Ça, c'était un beau teasing. Je suis désolé, c'était beau, c'était propre, c'était net, c'était précis. Allez. Bon, dernière tentative, sinon le jeu des 5 mots, je le fais, je sais pas, je pars avec un micro dans la rue, je sais pas, je le fais avec quelqu'un parce que c'est pas possible. Mais c'est la première fois quand même qu'on a quelqu'un au téléphone qui ne croit pas que c'est la radio. C'est juste dingue. C'est déjà arrivé au standard auparavant ou pas? Oui? Non? Oui? Oui, non? Je vous réveille? C'est arrivé souvent. Ah bon, d'accord, carrément. D'accord, ok, y a pas de souci. Allez, dernier numéro de la soirée. Tout tout se joue sur cette personne-là, sinon ça va être compliqué de jouer au jeu des 5 mots, sauf si vous nous envoyez un petit message au plus 32 49 9 15 75 pour jouer avec nous, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai remarqué, c'est souvent les femmes qui décrochent. Pour leur mari, à mon avis, mais c'est souvent les femmes qui décrochent. Om het nummer van uw correspondent terug te vinden, kan u bellen naar de inlichtingendienst op de betalende nummers 12. J'adore quand elle dit ça. J'ai jamais compris ce message, mais à mon avis, ça veut dire que la personne n'est pas dispo. C'est génial quand même. Quelqu'un parle néerlandais ici? Oui, ouais, c'est ça, oui. Autant que moi, je suis pompier, quoi. Allez, ici, on a quelqu'un, mais il n'y a pas de numéro, d'accord. Il y a une ligne vide, c'est pas grave. Allez, dernière tentative. Il faut évidemment que ça décroche, hein, pour que ce soit la dernière tentative. Hein, sinon, c'est pas marrant. Allez, hop, c'est parti. On appelle. Mais qu'est-ce que c'est que ces numéros-là qui sonnent dans le vide? C'est quoi, ça? Oh là là. On fait des numéros, ça fonctionne même pas. Bref, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien grave. On va changer de région, comme ça, on sera un peu plus tranquille au niveau des Liégeois. Parce que les Liégeois, j'ai l'impression qu'on les a un petit peu brusqués. Je pense qu'on a pas de problème avec eux, hein, sur Hilar FM. Mais visiblement, ils ont pas l'air trop contents qu'on les appelle. Donc, je vais pas les déranger plus que ça. Et on va peut-être changer de région. On va aller du côté du Hainaut, où généralement, là, on a des accents assez sympathiques. Et on a des gens... sympathique, je dis pas plus sympathique parce qu'on est sûrement écouté du côté de la province de Liège, qui est une province où on reçoit quand même des messages, même si on est plus écouté en France, mais bon, ça change rien, on est quand même là. Allez, on change de région, on appelle du côté de, ah, je sais même pas dire le village, Peru Wells. Quelqu'un connaît? Attends, je vais allumer le micro, comme ça on va pouvoir entendre quelqu'un de l'équipe là à l'antenne. Peru comment? Tout simplement, c'est Perué. Perrué, ah bah oui, Perrué, merci beaucoup. Heureusement que je ne suis pas seul dans cette équipe, je passe moins pour un con. Merci de me moucher en direct à l'antenne, c'est très gentil. Allez, on y va, dernier numéro, c'est parti. Dernier numéro, enfin je dis ça à chaque fois, mais on en appelle donc. Ah là là, c'est tendu, hein. Qu'est-ce qu'ils ont les gens à ne pas vouloir jouer avec nous? C'est leur fête, on leur fait plaisir, on les fait passer à l'antenne. Allez, j'espère que ça va aller cette fois-ci, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix, donc... Oh là là. Vous avez remarqué, quand on dit que c'est la province de Luxembourg, les gens, ils font « Ah non, ça ne nous intéresse plus !» Oh là là. Allô ? Ceci est fond mail basic. Pourquoi il y a un grand moment de blanc durant 3 secondes où on nous fait espérer qu'il y a quelqu'un au bout du fil? C'est pas sympa, c'est pas gentil ça. Je vais signaler ça. Je vais porter plainte. Oh là là, c'est juste dingue. Comment ça se fait que ce soir, il n'y a pas moyen de faire un jeu des 5 mots? C'est juste dingue ça quand même. Bon, je sens que demain, je vais mettre 10 personnes à tester tous les numéros de Belgique pour essayer d'avoir des gens qui sont volontaires et partant de jouer avec nous. C'est fou ça quand même. Allez. Toujours du côté de Charleroi. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je ne vous dérange pas? Ben, quand même, un peu. À qui ai-je l'honneur? Nous sommes en direct à la radio, monsieur, sur Hilar FM, en province de Luxembourg. D'accord. Oui, d'accord. Mais non! Mais ne nous raccrochez pas au nez! Mais non! Mais c'est vrai! On va le rappeler pour dire que c'était pas une blague quand même. C'est dingue ça, les gens qui ont pas du tout envie d'avoir. Bonjour, vous êtes connecté à un répondeur. Merci de laisser un message après le bip. Ben voilà, c'est dommage que vous nous avez raccroché au nez parce que on était très content de vous avoir à l'antenne et si vous avez cru que c'était une blague, c'est dommage parce que vous auriez pu gagner un cadeau assez sympathique, mais c'est pas grave. Voilà, on retentera peut-être le coup plus tard ou voilà. Mais c'est dommage. On embrasse toute la région de Charleroi et portez-vous bien, monsieur. Voilà. Bon, ce soir, je vous le dis, On va peut-être arrêter, on va peut-être lâcher le standard, parce que je me dis qu'on n'a pas beaucoup de chance là-dessus. Je sais pas si on a fait quelque chose de mal, mais en tout cas, visiblement, le courant passe pas. Enfin si, il arrive, mais on nous raccroche au nez. Donc c'est assez compliqué. Même hier, on avait plus de monde, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, ça arrive, on va dire. Ce sont des choses qui arrivent, et ça fait aussi partie des aléas du direct. Il faut pouvoir gérer, s'adapter, mais je pense qu'on est content, non ? Ouais, on dirait. Belle soirée à vous, vous êtes sur Ilar FM. Je pense qu'on a quand même la blague de l'année dans ce studio. On atteint des records, je pense. Est-ce que quelqu'un dans l'équipe peut la faire ? Quelle était la blague au sujet de Corentin ? Oui, le micro est allumé, oui. Le micro, voilà, le 2, là, oui. Mais je disais que contrairement au canard, Corentin n'est pas dans les temps. Voilà, c'était un grand moment de tristesse ici sur Ilar FM, nous sommes en direct. Merci beaucoup pour ce moment. Voilà, vous êtes dans Jadoul et voilà, vous n'êtes pas dépaysé, ça reste comme les émissions habituelles. Voilà, voilà. Du lundi au jeudi, vous avez la parole en direct avec Jadoul. J'arrive pas à m'en remettre. Bon, voilà. Elle est peut-être bête, mais elle est drôle. Bon, j'appellerai pas encore Corentin dernière fois, je sais très bien qu'il va pas nous répondre. Généralement, quand c'est comme ça, il ne dit plus rien. Et vers 22h, vers 22h15, j'aurai un petit SMS du style « Bon, j'ai pas pu me libérer, j'étais coincé là ou j'étais ici, j'étais là, donc finalement, j'ai pas pu tenir mon engagement, c'est pas bien grave, je ne lui en veux pas. » En tout cas, pas des masses, mais voilà, on va dire que je vais le secouer, mais ça va, allez, je vous propose de faire la petite actualité complètement dingue, qui est la, non, on va pas faire une news de la semaine, on va faire une question, tiens, de la semaine, je vais y penser, ça fait maintenant presque 2 semaines qu'on fait cette émission tous les jours, et personne n'a pensé que le jingle disait les news de la semaine, alors qu'on devrait dire les news du jour. Moi, je vais y penser, mais c'est pas bien grave, je suis le seul à y avoir pensé. Donc je me dis que parmi les auditeurs, il y a peut-être 4 personnes qui se le sont dit. Allez, on va se faire maintenant la question de la semaine. C'est parti. La question de la semaine. Et la question de la semaine m'amène directement au petit dos que l'on va faire là maintenant tout de suite en direct. Il s'agit tout simplement de la radio et le DAB+. C'est-à-dire que dans le temps, dans les traditionnellement, on a la radio FM, d'où le nom Ilar FM, qui se transmet par ondes hertziennes. Et au final, elle va disparaître petit à petit. Pourquoi ? Car la bande sature complètement. Il n'y a plus moyen de créer de nouvelles radios dans certaines régions tellement il y a 2 radios. Donc c'est-à-dire qu'on a créé maintenant un système en phase avec la technologie actuelle. Car il faut savoir que c'est une vieille technologie quand même, hein, la technologie FM. Merci pour le jingle. En fait, j'attends depuis tout à l'heure le bed avant de commencer ma news. Mais voilà, j'ai pas le bed. C'est pas bien grave. Voilà, je l'ai. Et donc, on va vous parler de la DAB+, qui est la toute nouvelle radio qui arrive sur le marché et qui commence à se mettre en place. Petit à petit, cette radio numérique terrestre fait son nid en France après Lille, Lyon et Strasbourg. Il est au tour maintenant de Paris de se préparer à cette mise en onde. Les constructeurs sont de plus en plus nombreux à proposer des postes compatibles avec ce système-là. Je sais que j'ai des amis qui ont une voiture qui peut reconnaître le DAB+. Et en France, cette technologie a quand même été lancée en 2014. Et par contre, ça peine un petit peu à trouver ses marques, étant donné que le CSA compte seulement maintenant accélérer le mouvement, mais des années seront nécessaires afin d'abandonner complètement la FM, qui est quand même maintenant un petit peu dans tous les foyers depuis des années. Et avant, ça s'appelait la RNT, Radio Numérique Terrestre. Finalement, ça s'est renommé DAB+, pour Digital Audio Broadcasting. Et voilà, ça a surgi en France en 2014, mais elle a du mal à se faire désirer, étant donné que les grands groupes radio, notamment privés, hésitent à investir dans le DAB+, ce qui est dommage, car la qualité audio est meilleure et c'est plus avantageux pour tous les gens qui écoutent leur radio via ce système-là. Et d'ailleurs, on peut noter certaines radios que je ne vais pas citer qui ont passé à ça. Mais dans 2 ans, ils estiment que 70 pour 70% de la population sera couverte par ce nouvel équipement. Et donc 15 bassins géographiques attendent encore d'être équipés. Mais la question c'est, est-ce que ce sera opérationnel d'ici quelques années? C'est la question qu'on se pose. On a notamment quelques radios. Là, je vois notamment chez Philips, chez Sony, plein de marques proposent ces radios-là. Donc allez-y, ça ne coûte pas très cher. Une radio haute gamme coûte 150€ environ et une radio bas de gamme 50€, ça va encore. Je pense même une Genifi ou une enceinte, un haut-parleur coûte limite un peu plus cher. Donc voilà, c'est une technologie qui va bientôt arriver. Si vous êtes intéressé par celle-ci, contactez-nous. Il y a pas plus simple et comme ça on vous passe à l'antenne et vous nous dites votre avis. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. C'est bien noté chez vous, je l'espère, car ici, je vous le dis, la température monte en flèche. Il commence à faire 28 degrés, c'est une galère complète. Allez, on va repasser à l'objet du peuple, étant donné qu'on n'en a pas parlé depuis un petit temps. Je vais vous rappeler tous les indices et tout ça, comme ça vous serez à jour, vous serez au courant. Et c'est parti, le jingle. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit? C'est l'objet du peuple. Jadoul. Jadoul. L'objet du peuple, il y a actuellement quelques indices. Il y a un bel écho, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale. Je vais chanter du gospel dans 5 minutes. Ah d'accord, c'est pour le suspense, d'accord. Premier indice. On m'utilise dans un milieu rural. Deuxième indice, je suis volumineux. Nouvel indice qui arrive maintenant, je peux être équipé d'un GPS. Allez vous trouver plus 32 49 9 15 75, c'est pas compliqué. Je pense que là avec ces indices là, on peut pas faire mieux. Je vous redonne un indice à 55, comme ça avant l'émission on trouvera et je tire au sort à 58. Voilà, ça me paraît à peu près correct au niveau timing. Donc je pense que ça va pouvoir se faire. Est-ce que on a passé toutes les actualités en revue? Je pense que ça veut dire oui. Demain, c'est le retour de la cassette de Jadoul avec... on a qui d'ailleurs demain autour de la table? J'ai où ma petite note avec toutes les personnes qui sont là demain? Demain, on aura Flora Chap qui revient comme hier et peut-être Corentin, sauf s'il nous fait le même coup qu'aujourd'hui, mais ça, je ne sais pas. Et un nouveau venu, je vous donne juste son initial, ça commence par J. Non, ce n'est pas Jadoul, vous allez voir. À mon avis, ça va être assez sympa. Ça va être vraiment sympa. C'est un garçon... assez drôle, moi dans la vie je le trouve drôle, donc je vais voir ce que ça va donner. Mais en tout cas demain, Flora et Corentin, en principe, ils ont confirmé, donc on les aura autour de la table et on va encore passer un très très bon moment ensemble. Je pense, de toute façon, comme d'habitude, on passe toujours des bons moments avec eux. C'est la Dream Team, j'ai envie de dire. Oui, allez, on peut dire la Dream Team, puisque voilà, on n'est plus à sa près. Non, je rigole. Bon, on a fait le tour, je pense. On va s'écouter un peu de musique, tiens, pour changer. Je pense que ce soir, ça aura été une soirée très très musicale, mais on l'aime bien. Comme ça, c'est les soirées qu'on aime bien, de la musique et tout ça. Et de toute façon, le retour du foot, ce n'est que vendredi, donc on peut passer du temps ensemble. Ce n'est pas un problème. Il me reste combien de temps avant la musique? Il me reste 17 secondes. C'est pas bien grave, j'aime bien 17 secondes. C'est parfait, 17 secondes. Ça me laisse le temps de vous rappeler que vous êtes ici chez vous, vous nous contactez, on vous bascule directement à l'antenne, il n'y a aucun souci, on lit tous vos messages à l'antenne. N'oubliez pas, le jeu des 5 mots, on essaie de le faire, on tente comme on peut. Et l'objet du peuple, vous avez l'occasion de gagner des beaux cadeaux et c'est ça la magie de cette émission. Vous êtes dans la doule, c'est Hilar FM! L'objet du peuple. Dernière occasion pour vous de remporter l'objet du peuple du jour. Je vous invite tout de suite à réécouter les indices plus le nouvel indice qui arrive maintenant, 21h55 comme promis. C'est parti. On m'utilise en milieu rural. Je suis volumineux et je peux être équipé d'un GPS. Voici le quatrième et dernier indice pour le tirage qui aura lieu à 59 précisément. Vous avez encore 3 minutes pour jouer. Voici le dernier indice. Je suis équipé de roues. Allez-vous trouver l'objet du jour? C'est la question que je vous pose. Plus 32 49 9 15 75. Il reste plus beaucoup de temps à vous directement maintenant de prendre votre téléphone et de saisir l'occasion qu'on vous offre maintenant dans cette émission afin de jouer avec nous maintenant en direct afin de gagner directement le cadeau. Plus 32 49 9 15 75. Vous envoyez un SMS avec la réponse directement et on lit tout. Et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. C'est les dernières occasions. Là, ça coûte pas plus cher qu'un SMS normal. Vous êtes ici, chez vous, comme on vous le dit toujours. Vous avez la liberté d'expression totale et la plus complète ici sur Hilar FM. Belle soirée à vous. J'adore ce titre. Maintenant, il est l'heure de passer au résultat pour l'objet du peuple. Pas besoin de jingle, on connaît la chanson. Voilà, on peut passer au tirage au sort. Ordinateur, est-ce que tu es là? Oui, je pense que il est là. Allez, c'est parti. On peut faire le tirage au sort? Merci, on y va, c'est parti. Ça démarre. On affine les résultats. 5, 4, 3, 2, 1. Deux numéros ont été tirés au hasard, car si l'un ne répond pas, on appelle l'autre, on fera ça hors antenne, car là, il est déjà 22h, il est déjà l'heure de se quitter, mais bravo aux gagnants parmi les deux qui sont là. Je n'ai pas les prénoms car on doit encore les appeler, mais félicitations à eux. Ils ont gagné un autocollant, ils n'auront pas quelque chose en plus, car c'est la fin de la belle saison. Voilà, je pense que je peux pas résumer le fait qu'il y a plus beaucoup de cadeaux. C'était la pire séquence qu'on a faite dans cette émission. Claire Chazal, un petit mot pour la fin? Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Oui, c'est vrai, ça, vous avez raison. Et surtout, n'oubliez jamais que... La vie est belle. Allez, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette émission un petit peu artisanale, j'ai envie de dire. Demain, ça va être une plus chouette expérience. 3 personnes autour de la table plus moi, ça va être un truc énorme. What's the sense in sharing this one and only life? Et je profite de la fin de cette émission pour vous rappeler quand même qu'il y a l'émission, la toute dernière de la saison. C'est ce samedi, en direct, de 20h à 22h, sur Hilar FM. Je vous donne rendez-vous.